Le 15 courant, à propos de l'élaboration aux États-Unis du plan de l'opération du raid aérien de précision contre la Corée, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a répondu aux questions d'un correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée. Il a dit, entre autres, « Une société consultative américaine des informations stratégiques a élaboré et publié un rapport titré « Riposte militaire aux problèmes nucléaires de la Corée du Nord ». Le rapport a 5 chapitres prévoit le raid aérien de précision pour la destruction simultanée des installations nucléaires à Nyongbyon, les chantiers de construction d'une centrale de l'énergie atomique, les mines et installations d'enrichissement d'uranium, les missiles balistiques des forces stratégiques, les bombardiers des forces aériennes, les installations de construction des sous-marins. Pour y parvenir, on mobilisera des dizaines de bombardiers stratégiques nucléaires B-2 portant des grandes bombes pour la percée stérène et d'avions de combat stealth F-22 et lancera plusieurs centaines de missiles de croisière Tomahawk à bord de plusieurs sous-marins nucléaires de type Ohio et destroyers. Le rapport en question, de nature extrêmement provocatrice, étant la prolongation de la sanction de la pression extrémiste des menées de guerre nucléaire contre la Corée de l'actuelle administration américaine, prouve nettement que les Américains examinent et préparent effectivement l'attaque préemptive et l'invasion militaire à l'improviste contre le nord de la Corée. Pire encore, c'est que ce scénario de guerre dangereux contre notre République est publié à la veille des exercices militaires américano-sud-coréens prévus en août. Face aux menées de guerre insensées des États-Unis, nous renforcerons davantage de façon quantitative et qualitative la dissuasion nucléaire autodéfensive et écraserons résolument toutes les provocations militaires ennemies par des ripostes à notre manière.